Sire, si le mal n'affecte pas l'homme, pourquoi le mal doit être éternel? Et je dis, le mal doit être éternel parce que le mal devient personnifié lorsque l'homme a une personnalité. Et lorsque le mal n'a plus l'homme pour se personnifier, le mal devient simplement une polarité qui se trouve dans la tombe comme l'élément négatif du pôle. Autrement dit, dans la tombe, il y a le positif et le négatif, c'est le mal, et le positif, c'est le bien. Et amener cette polarité à l'échelle de l'homme, vous avez une autre structure, vous avez une complexification du programme, de la vie, de sorte qu'il y a à ce moment-ci de l'émotion et de l'idée qui fait que le mal, plus l'homme entre dans l'évolution, plus les corps se complexifient, plus le mal devient parfait. Il devient plus parfait parce qu'il est plus capable d'interpréter la réalité, de se manifester dans la réalité. Et lorsque l'homme se retire de cette ignorance, à ce moment-là, le mal doit demeurer à l'échelle de la matière. Il doit servir l'homme. Et lorsque le mal servira l'homme, l'homme deviendra un scientifique. L'homme aura la science parfaite parce qu'il se servira du mal comme il se servira du bien. Il ne sera pas influencé par ni l'un ni l'autre parce qu'il ne sera plus dans l'émotion qui est le lit du mal. Il n'aura plus la mémoire qui est la réserve du mal. Il n'aura plus rien d'humain. Il sera surhomme. Il sera parfait. Il sera dans sa propre lumière. Il fera du bien et du mal ce qu'il voudra. Mais tant que l'homme ne connaît pas les lois du bien et du mal, il est prisonnier du mal et il est esclave du bien. Et quand l'homme est esclave du bien, il doit se servir de son émotion pour le supporter. Et lorsqu'il se sert de son émotion pour supporter en tant qu'esclave du bien, cette fameuse bête, aux yeux d'or, il perd sa volonté. De sorte que le bien est aussi dangereux que le mal, parce que toute polarité contient en elle la soumission. Toute polarité crée la soumission. Toute polarité tue l'homme. L'homme doit être parfait. L'homme doit être synthétique. L'homme doit être au-delà de la polarité. L'homme doit être dans les principes universels de l'intelligence, de la volonté et de l'amour, et ne jamais se servir des principes inférieurs que pour le bien-être de sa vie matérielle ou le bien-être de sa vie éthérique. Jamais l'homme ne doit se servir de la polarité aveuglément. C'est la source du mal. C'est la source de l'inconscience. C'est la source de la souffrance. C'est la source de la petitesse de l'homme. La vie de l'homme est une forêt. Et dans cette forêt se cachent des animaux de toutes sortes. Et aucun de ces animaux n'est un ami de l'homme. Aucun. Même ceux qui semblent paître quelque part dans les sous-bois. L'homme doit sortir de la forêt. Et lorsqu'il sort de cette forêt, s'il y revient, il y revient en puissance. Et s'il n'y revient pas, c'est parce qu'il a autre chose à faire. Mais je pars. Et je parlerai. Mais ce que je dis ne se comprend que par soi-même. Mais il est bon que je le dise parce qu'il est bon que le voile se lève devant les yeux de l'homme. Si vous allez dans un théâtre et qu'il y a un spectacle derrière le rideau, il faut que quelqu'un s'occupe de lever le rideau. Si personne s'occupe de lever le rideau, même si vous avez l'intention d'aller au spectacle, vous ne le verrez jamais. Et il est évident que tous les gens dans la salle ne peuvent pas se lever et aller au rideau. Ce serait de la confusion. Ce serait de l'imperfection dans l'organisation du théâtre. tant que l'homme sera suffisamment maître de lui-même pour écouter, pour entendre, pour sentir un homme, quel que soit cet homme, qui sait quelque chose, ce même homme grandira. Parce que on ne peut pas être nourri et ne pas grandir. Mais on ne peut pas non plus vivre éternellement de diète et se comporter en bonne santé. Si vous saviez aujourd'hui l'importance de la volonté, si vous aviez aujourd'hui la volonté, si vous aviez aujourd'hui l'intelligence, vous seriez quelque part dans le monde et vous feriez quelque chose à votre goût. Mais l'homme ne connaît pas ses goûts réels, parce qu'il comprend mal le mot goût. Goût veut dire goûter. Et quel homme n'a pas le droit de goûter? Quel homme n'a pas le droit de goûter de la vie? N'a pas le droit de goûter de ce qui est le mieux, le plus beau, le plus grand dans la vie? Quitte à goûter des choses différentes au fur et à mesure que son palais se raffine. Mais je parle pour l'homme. L'homme en général, l'homme qui commence à goûter. L'homme qui n'est pas sûr s'il peut goûter, s'il devrait goûter. L'homme qui s'inquiète que s'il goûte, il sera dégoûté. Vous savez? Vous ne pouvez pas aller à la table et craindre ce que vous allez manger. Mais malheureusement, je dois mesurer ce que j'explique parce que les gens ne comprennent pas parfaitement ce que je veux dire. Et au lieu de goûter dans le sens que je l'emploie, ils goûtent de la façon dont ils veulent. Et ce n'est pas ce que je veux dire. Parce que ce qu'ils veulent fait partie de leur corps de désir. Ce qu'ils veulent ne fait pas partie de leur volonté et de leur intelligence. Alors je mesure ce que je dis, mais je le dis avec mesure. L'homme doit goûter. Et plus sa volonté grandit, plus il peut goûter, mais avec intelligence. Il y a des gens qui entrent dans la conscience et qui détruisent sur leur chemin parce que le taureau est entré dans le magasin de porcelaine. Le taureau n'a plus de grâce. Mais imaginez-vous le taureau qui entre dans un magasin de porcelaine et qui ne détruit pas une pièce, qui puisse contourner les objets les plus délicats. Imaginez-vous la vibration de la porcelaine. Et l'homme doit être un taureau, mais un taureau noble. Un taureau qui a en lui le cœur du lion, la générosité. Mais les hommes n'ont pas la générosité. Ils sont simplement taureaux. Ils n'ont pas la générosité pour ceux qui sont autour d'eux. Et la beauté de la puissance, c'est sa capacité d'être anonyme. C'est cette capacité qu'elle a de se cacher à volonté pour soutenir ce qui est faible. Et non la force brutale. Et je parle du taureau parce que je sais que plus les gens avancent dans la conscientisation, dans le développement du corps supramental, plus l'énergie grandit. Et comme les gens n'ont pas encore la résistance pour contenir cette énergie, ils se manifestent dans leur vie souvent un taureau. Que vous soyez taureau seul, c'est une chose. Mais que vous soyez taureau avec vos enfants, avec vos femmes, avec vos maris, avec vos amis, c'est une autre chose. Un jour, lorsque vous serez taureau et que vous serez aussi lion, votre force servira les autres. Au lieu de les desservir parce qu'ils ne comprennent pas votre comportement. L'homme de demain ne peut pas être l'homme d'aujourd'hui. L'homme de demain ne peut pas se comporter comme l'homme d'aujourd'hui parce que l'homme de demain doit être réel dans ce sens qu'il doit se servir de son intelligence, dans ce sens qu'il doit apprendre une fois pour toutes à ne pas se laisser berner par sa mémoire. La mémoire de l'homme est infecte, beaucoup plus que vous ne pouvez vous imaginer. Mais dans la volonté de l'homme, dans la volonté réelle de l'homme, il y a un aspect qui n'est reconnu de l'homme que lorsqu'il est dans cette volonté. Et cet aspect est celui-ci. Toute action réelle sous-tend une action réelle. Qui sous-tend une action réelle? De sorte qu'une action réelle crée une chaîne d'événements dans la vie. Et cette chaîne d'événements est longue. Elle est puissante. Et l'homme doit apprendre à la suivre. J'explique. Un être conscient, un être qui sait, un être qui n'a pas de doute dans son action, va créer une action qui va l'amener à une expérience. Et cette expérience est nécessaire parce qu'elle fait partie de la mémoire de l'être. Et cette expérience n'est jamais conclusive en elle-même, dans ce sens que cette expérience n'est jamais faite pour le but que l'être s'imagine. Cette expérience, elle est toujours faite pour quelque chose d'autre que l'être découvrira. Et ce quelque chose d'autre fera partie de l'expérience qu'il a de besoin pour transmuter sa personnalité, pour raffiner le taureau. pour élever l'intelligence. Il y a de plus en plus de personnes qui entrent sans le réaliser, d'autres avec un peu plus de réalisation dans une initiation. Ils entrent dans une initiation dans ce sens que les forces les feront agir d'une certaine façon, en passant par leur goût personnel. Et heureux ces gens qui feront cette expérience, parce qu'ils se détacheront de la vie ancienne pour entrer petit à petit dans une vie personnelle. Et non une vie libre, mais une vie personnelle. Une vie qui leur servira à ajuster leur émotionnel et leur mental. Et beaucoup de ces gens partiront pendant 2, 3, 4 ans. Certains partiront pour un certain temps et croiront partir pour plus longtemps. Mais ceux qui partiront et vivront cette expérience la comprendront lorsqu'ils l'auront vécue. L'homme doit totalement détruire sa mémoire. Et ce qui aide le plus l'homme, ce qui amène, facilite la destruction de la mémoire de l'homme, c'est lorsqu'il sort de sa vie sociale pour entrer dans une vie personnelle avant d'arriver à la vie libre. Parce que la vie personnelle de l'homme est une vie qui est vécue seule, est une vie qui est vécue à l'intérieur d'un cercle d'expérience, est une vie qui est vécue à l'intérieur de tous les aspects de sa mémoire qui lui permettent, dans ce présent en évolution, de développer des capacités psychologiques qui pourront plus facilement lui aider plus tard à entrer dans le secret de la vraie personne. L'homme ne peut pas vivre, remarquez ce que je dis, l'homme ne peut pas vivre trop longtemps dans la société de l'homme, sous les conditions de la société de l'homme, sans en venir à un certain moment à vivre une vie personnelle, dont graphiquement j'explique, exemple, le voyage, le déplacement, le mouvement sur la terre, le mouvement dans différents pays. Et lorsque l'homme entre dans la vie personnelle, c'est à partir de ce moment qu'il commence à comprendre des choses qui lui étaient voilées. Mais l'homme ne peut pas se presser. L'homme ne peut pas entrer dans la vie personnelle tant que ce n'est pas le temps. Mais pour ceux qui entrent dans cette vie personnelle, ils découvriront beaucoup de choses et ils reviendront différents et ils reviendront plus grands dans leur propre conscience. Mais lorsque l'homme entre dans la vie personnelle, la volonté commence à se montrer la tête. Parce que dans une vie personnelle, l'homme vit des obstacles. D'ailleurs, c'est le but de ses vies personnelles. Et les obstacles qu'il vit lui permettent de développer une volonté réelle et de restreindre son émotif et de permettre à son intelligence de devenir plus grande. Je fais cet à côté pour certains parmi vous qui entrent ou qui entreront dans cette vie personnelle. J'ai compris une chose dans mon expérience, dans ma vie. J'ai compris que on ne comprend rien tant que l'on comprend. On ne comprend rien tant que l'on comprend, c'est-à-dire qu'on ne voit pas parfaitement clair, tant qu'on ne voit pas parfaitement clair. On ne peut pas voir parfaitement clair et ne pas voir parfaitement clair. On doit être dans un bain ou dans un autre. C'est pour ça que je dis que ceux qui grandissent sachent s'ils voient parfaitement clair ou s'ils ne voient pas parfaitement clair. Et s'ils ne voient pas parfaitement clair, qu'ils fassent attention lorsqu'ils prennent des décisions. Parce que si vous ne faites pas attention lorsque vous prenez une décision, vous agirez avec votre mémoire. Mais si vous faites attention lorsque vous prenez une décision, vous agirez avec votre intelligence. Et votre intelligence n'a rien à faire avec votre mémoire. Mais votre intellect a affaire avec votre mémoire. Et si vous agissez avec votre intelligence, vous créerez des situations parfaitement à la hauteur de votre vie. Parce que déjà, vous aurez la volonté équivalente. Mais si vous créez avec votre intellect, vous créez des situations sous des situations moins grandes, des situations moins réelles. Et ces situations seront simplement des situations de souffrance qui ne seront pas nécessaires. Parce que l'homme n'a pas nécessairement à souffrir. Il doit souffrir, mais il n'a pas nécessairement à souffrir. Je dis, il doit souffrir lorsqu'il est sous la force de lui-même, mais il a les instruments pour en sortir. Mais lorsqu'il souffre, pour rien, c'est qu'il a agi de par son intellect. Et si l'on souffre pour rien, on multiplie les obstacles qui pourraient nous faire vivre une vie plus relaxe, plus plaisante. Et on a le droit et on doit vivre une vie relaxe et plaisante. La volonté réelle n'appartient pas à l'homme, mais elle fait partie de lui. Et ce n'est que lorsque l'homme est conscientisé, ce n'est que lorsque l'homme a établi un équilibre entre lui-même, la partie inférieure de lui-même et cette partie supérieure de lui-même, que la volonté réelle lui appartient. Et tant que la volonté réelle n'appartient pas à l'homme, il doit faire attention. Parce qu'il sera charrié par cette force. Et c'est là que l'homme prend l'expérience de son intelligence. C'est lorsque l'homme est charrié qu'il apprend. Si l'homme n'était pas charrié, il n'apprendrait pas. La volonté, c'est très fort. Et lorsque ça nous pénètre, ça nous lie à elle. Et c'est simplement lorsque ça nous pénètre qu'on commence à le réaliser. On s'imagine dans la vie qu'on peut faire ce que l'on veut. Ce n'est pas vrai. C'est seulement lorsqu'on est dans la volonté qu'on peut faire ce que l'on veut. Et souvent, ce que l'on veut à l'extérieur de cette volonté constitue un terrain d'initiation. C'est un voile. et on ne le voit pas, ce voile. On s'imagine que l'on fait ce que l'on veut. L'homme ne sait pas ce que veut dire faire ce qu'il veut. C'est pourquoi l'homme doit faire attention une fois qu'il comprend le mécanisme qui le lie à sa personnalité, qui le lie à son émotion, qui le lie à sa vie existentielle. Dans le passé, on disait, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche. C'est juste. Et aujourd'hui, on peut dire, avant de faire un mouvement, il faut regarder 7 fois ce qu'on va faire. Sans ça, on se met facilement et royalement dans la merde. Surtout aujourd'hui. Quand on est inconscient, on se met dans la merde et c'est normal. Et on se blâme et on se dit, « Ah, j'ai fait une erreur. » Mais quand on se conscientise, on ne peut plus dire ça. Alors, si on se met dans la merde, ça nous fâche et ça nous fait souffrir. Et si ça doit nous faire souffrir parce que ça nous donne de l'expérience, ça se fera. Mais je dis, l'homme n'a pas besoin de souffrir outre mesure. Qu'il y ait souffrance, c'est normal. Qu'il y ait transmutation, c'est normal. Que les frontières de la personnalité soient battues, c'est normal. Plus les forces grandissent, plus l'homme voit en lui se détruire le château de ses illusions. Que ça prenne 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, vous serez un jour accroché. Ceux qui doivent l'être. Et lorsque ça commence toujours sans que l'on s'y attende. C'est pourquoi l'homme doit se protéger de sa mémoire, doit se protéger de ses émotions. Doit se protéger de ce qu'il ne comprend pas. L'homme ne devrait jamais faire un mouvement s'il ne le comprend pas. Vous êtes mieux demeurer assis, inactif, que de faire un mouvement que vous ne comprenez pas parfaitement. La volonté est une pierre à 2 tranchants. Elle vous sert parfaitement ou elle vous met devant le peloton d'exécution. L'amour est un couteau à 2 tranchants. Il vous sert où il vous met dans la réserve des faibles. L'intelligence est un couteau à 2 tranchants. Elle vous sert ou elle vous dessert. C'est pourquoi ces 3 principes doivent être construits, doivent être développés, et il n'y a qu'une façon à l'homme de mesurer son intelligence, sa volonté et son amour. Il y a seulement une façon. C'est à travers la lentille, la petite lentille qu'il a en lui, qui lui fait savoir qu'il sait. Même si c'est très petit. La volonté, l'amour et l'intelligence n'agissent jamais seuls. Ils agissent toujours à travers une lentille. Et cette lentille, c'est l'âme dans l'homme. Parce que la volonté, l'amour et l'intelligence sont des principes en manifestation, sont des énergies en mouvement, mais l'âme, elle, qui est le siège de l'homme. Sa lentille. C'est à travers cette lentille qu'il peut savoir si cette volonté, cette intelligence et cet amour sont réels. Et c'est ceci qui permet au taureau de se raffiner. Mais si l'homme se fait dire dans la tête « va à droite » et qu'il le fait, il fera probablement une erreur. Par contre, il fera probablement le bon mouvement. Mais il ne le saura pas. Et l'homme ne peut pas se permettre de prendre une chance avec l'intelligence en lui tant qu'il n'est pas parfaitement sûr que cette intelligence en lui est parfaitement sous son contrôle. Et qu'est-ce que c'est le contrôle de l'homme? Le contrôle de l'homme, c'est la synthèse de l'intelligence et de la volonté. L'intelligence seule n'est pas bonne. La volonté seule n'est pas bonne. Les deux doivent toujours être de pair. Parce que l'intelligence dans l'homme fait partie de la polarité positive de l'homme. La volonté fait partie de la polarité négative de l'homme et l'amour est la synthèse des trois. Et l'amour n'appartient pas à l'expérience de l'homme sur le plan terrestre. L'homme ne peut pas se servir de l'amour sur le plan terrestre. Il peut le manifester vibratoirement, mais il ne peut pas s'en servir. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut se servir du principe de l'amour parce que le principe de l'amour est un principe qui appartient aux immortels. Mais l'homme peut se servir de sa volonté et de son intelligence sur la terre. Et c'est cette polarité qui lui permet de vivre. Ce n'est pas avec l'amour que l'homme peut vivre. C'est avec l'intelligence et la volonté. C'est pourquoi l'amour est le plus grand danger de l'humanité. Le plus grand danger de l'humanité parce qu'il n'est pas compris. De sorte que l'humanité, au lieu de vivre au niveau de l'amour qu'il ne peut pas, vit au niveau de sa dégradation. Et la dégradation de l'amour, c'est l'émotivité de l'homme. L'homme peut se servir de deux principes dans sa vie, c'est la volonté et l'intelligence. Dès qu'il se sert de l'amour, il se ment à lui-même parce qu'il ne peut pas le mesurer. Et il n'a pas la volonté de le vivre et il n'a pas l'intelligence de le comprendre. La preuve, les gens qui s'aiment, les gens qui sont unis, les couples qui se disent qu'ils s'aiment, un jour, demain, ils ne s'aiment plus. La preuve que l'amour n'est pas dans l'homme, c'est qu'un jour il s'aime et demain il ne s'aime plus. Mais un homme qui est dans l'amour ne peut jamais être séparé de celui ou de celle qu'il aime, parce qu'il n'a pas la mémoire de son amour. Mais les hommes ont tous la mémoire de leur amour. Il y a 10 ans, elle était jolie. Aujourd'hui, elle est décrépite. Il y a 10 ans, il était riche. Aujourd'hui, il est pauvre. C'est la mémoire de cet amour qui tue le lien et qui ne peut jamais donner naissance à l'amour réel, parce que l'amour réel ne vient pas de l'homme. Elle descend en lui comme la volonté et l'intelligence. Ça fait partie de ses principes cosmiques. Mais si l'homme a de l'intelligence et si l'homme a de la volonté, il peut créer suffisamment de polarité dans sa vie pour qu'il se crée entre lui et celui ou celle avec lequel il vit une stabilité parfaite dans laquelle l'amour n'est plus nécessaire parce qu'il y a à la fois intelligence et volonté. Et l'intelligence produit quoi dans le couple? L'intelligence dans le couple permet au couple de réaliser les qualités de l'un de l'autre afin de permettre à l'un et l'autre de mieux vivre. Et la volonté crée quoi dans le couple? Elle permet au couple de se servir de ses qualités dans les personnalités et de les actualiser pour mieux vivre. et un couple qui peut mieux vivre parce qu'il a en lui, il y a en lui de l'intelligence et de la volonté, n'a pas besoin d'amour. Mais chez l'homme, c'est différent. L'homme fonde son couple sur l'amour, enlève l'intelligence, enlève la volonté pour ne pas détruire l'amour. Remarquez bien. De sorte qu'un couple qui est ensemble depuis des années dans l'amour, un jour vient le moment où l'amour n'est plus suffisant parce qu'il n'est pas réel. Et à ce moment-là, l'homme doit faire appel à sa volonté ou la femme faire appel à sa volonté pour rompre et à l'intelligence pour rompre et ils ne sont pas capables. Parce que l'amour, le faux amour fondé sur l'émotion, les en empêche. Je dis avec nuance ce que je dis, et il faut que les gens me comprennent, parce que si l'on me comprend mal, on me comprend dangereusement. Je ne suis pas homme à parler pour rien, je suis homme à expliquer parfaitement. Et si l'on me comprend parfaitement, tout va bien. Si l'on me comprend mal, ce que je dis devient pour vous dangereux parce que vous fonderez votre espoir sur mes mots. Et si vous fondez votre espoir sur mes mots, vous voudrez en vous que l'on vous infuse de l'amour lorsqu'en réalité, vous devrez être infusé avec de l'intelligence et de la volonté que vous ne possédez pas encore. Un couple dont les liens sont fondés sur l'amour doit être maintenu en vie. Par des formes suffisamment puissantes pour que ce ne trouble pas l'intelligence et la volonté de ceux qui font partie de ce couple. Mais aussitôt qu'il se manifeste dans un des partenaires de l'intelligence et de la volonté, si l'amour n'est pas réel, ce qui est le cas en général chez l'homme, il peut facilement y avoir dislocation. Parce que lorsque l'intelligence et la volonté descendent dans un homme, cet homme-là n'est plus de la cinquième race. Et lorsque la volonté et l'intelligence descendent dans une femme, cette femme-là n'est plus de la cinquième race. Et les cordes qui ont lié les deux se sévèrent avec très grande facilité. Au dépend de quoi? Au dépend de l'amour humain. Et qu'est-ce qui se produit? L'homme souffre, la femme souffre. Et celui qui souffrira le moins, celui qui sera le plus dans l'intelligence et dans la volonté. Un homme n'a pas besoin d'être en amour avec une femme pour être dans le bien-être de la vie. C'est une illusion. C'est une des grandes illusions de l'humanité et c'est la fondation même des structures sociales de la civilisation mondiale. C'est une parfaite illusion. C'est une parfaite illusion qui coïncide parfaitement avec le côté astral de l'homme. C'est pourquoi les hommes qui entrent dans la phase nouvelle, qui entrent dans le jour où ils puissent comprendre plus parfaitement les nuances de leur propre esprit, s'aperçoivent de plus en plus qu'ils ne sont plus en amour avec leur femme ou leur mari avec le temps, mais qu'ils sont liés à eux ou à elle ou à lui par l'intelligence et la volonté, qui leur permet de fonctionner en tant qu'unité sociale, en tant qu'unité liée, parfaitement harmonisée pour prendre avantage des bénéfices de la vie. L'amour n'a jamais rien donné à l'homme, excepté la souffrance. L'homme s'est leurré dans le sentiment instantané, enflammé de l'amour, lorsque ce dernier était dans la flamme rapprochée de la sentimentalité, du sentiment, du corps matériel. Mais l'amour ne dure pas. L'amour chez l'homme ne peut pas durer, parce que l'amour n'est qu'un reflet de son désir d'être sécurisé. Et un homme qui est en amour avec sa femme ou vice-versa sera toujours dans l'inquiétude de la perte, surtout si l'un ou l'autre possède des qualités qui ne sont pas en général proportionnellement distribuées dans la population. Si la femme est trop belle, trop intelligente, si l'homme est trop à l'aise avec lui-même, se montrera quelque part dans le temps le spectre de la jalousie, surtout si la femme parle à un autre homme ou si l'homme courtoisement parle avec une autre femme. L'amour de l'homme est un amour qui n'est pas réel, c'est la maladie vénérienne de l'humanité. Mais ces choses ne peuvent se comprendre que par ceux qui ont des oreilles. Mais les hommes n'ont pas tous des oreilles, ils ont plutôt des languettes de peau qui capturent les sons et qui les interprètent à leur façon. L'homme doit retourner à la volonté et à l'intelligence, doit la découvrir. Et autant je méprise l'émotion qui divise, autant je méprise l'émotion qui unit sans raison. Autant je méprise ceux qui, dans le couple, divisent leur couple parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et la volonté, que je méprise ceux qui sont dans le couple et y demeurent ou le maintiennent parce qu'ils ont la crainte de perdre quelque chose ou qu'ils n'ont pas la volonté et l'intelligence de grandir et de faire expansion dans leur vie. D'un côté ou d'un autre, c'est un mal. De sorte que l'on voit, en fin de cause, que l'intelligence est parfaite dans l'homme et que la volonté est parfaite dans l'homme. Et que ce que l'intelligence fait et que ce que la volonté crée est parfait dans l'homme. Mais, pour que l'homme se serve de ces deux principes en lui, il doit totalement mettre de côté les affections qu'il a pour ce qui fait plaisir à sa personnalité. Et ce n'est pas facile. Parce que c'est justement cette action qui le fait passer d'une race à une autre. Mais je le dis, et d'ailleurs, j'ai déjà commencé. Les gens qui se sépareront dans leur vie à cause de moi, qui se sépareront dans leur vie pour des raisons qui ne sont pas réelles, qui se sépareront dans leur vie parce que ce que j'ai dit n'aura pas été bien compris, qui se sépareront dans leur vie parce qu'ils auront été trop dans l'émotivité d'un amour qui est faux, je devrais retirer ma parole de leurs oreilles afin de ne pas perpétrer le mal que mes paroles incomprises peuvent créer. Si je connais un couple qui se sépare à cause de moi, pour des raisons qui ne sont pas réelles, je le saurai, je le sais. Et je me retirerai de ces gens-là parce que ces gens-là ont mal compris ce que j'ai dit et je ne voudrais pas que grandisse entre eux le fossé. Et je l'affirme aujourd'hui et ma décision est prise. Je connais le pouvoir de ma parole et je dois empêcher ceux qui ne me comprennent pas de ruiner leur vie et souvent la vie de leurs enfants. Je ne peux pas être complice de l'émotion de l'homme. L'intelligence est une chose. Et l'intellect une autre. La volonté est une chose. Et le désir une autre. Je conçois que des gens ne soient pas prêts dans un certain temps à comprendre. Alors je retire. Je me retire de leur vie. Plus tard, lorsqu'ils seront prêts, je continuerai d'une façon ou d'une autre. Parce que je sais l'importance du couple. Parce que je sais que l'homme ne peut pas vivre seul. Parce que je sais que l'homme ne comprend pas le couple. Parce que je sais que l'homme ne comprend pas la vie de couple. Il la sent, mais il ne la comprend pas. Et comme il ne la comprend pas, il doit la sentir par le biais du sentiment. Et le sentiment crée sur la surface du couple de la rouille.